Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Copain comme Romain des amitiés antiques et sous condition qu'il est difficile pour l'historien, pour l'historienne de saisir la nature des liens parfois intimes qui unissent les individus. C'est le cas avec l'amitié, la sympathie, l'affection entre deux personnes. Quelle est la part de l'intérêt, de la sincérité? Pourquoi être ami avec celui-ci plutôt qu'avec celui-là? Il y a des affinités bien sûr, mais pas seulement. Ne soyons pas naïfs et romantiques puisqu'il s'agit de l'amitié dans la Rome antique. Voici donc nos jeunes gens les volontaires. Soyez les bienvenus. Réfléchissez longtemps sur le choix d'un ami. Aide-moi, Judas. Une fois décidé, ayez autant d'abandon avec lui qu'avec vous. Je ferai n'importe quoi pour toi, Messala. Auguste lui dit à l'oreille, je ne savais pas que nous étions si liés. N'importe quoi, sauf trahir mes propres frères. L'amitié était une réalité assez différente de ce que nous entendons par ce mot. Arnaud Suspens, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Alors on est d'accord, l'amitié était bien différente dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Il faut vraiment définir ce dont il s'agit. C'est quoi cette amitié antique? C'est une bonne question. Les anciens eux-mêmes étaient un peu dans l'embarras. Par exemple, le Lysis de Platon est un dialogue aporétique et il se finit sur une pirouette. Il ne définit pas l'amitié à laquelle il est pourtant consacré parce que quand les jeunes gens à qui parle Socrate s'éloigne, la discussion s'interrompt et le texte finit par cette pirouette. Donc quand il n'y a plus de société, plus de compagnie, il n'y a plus d'amitié. Pour autant, l'amitié antique, elle est proche de l'amitié moderne, en ce qu'elle est un sentiment personnel, elle relève de l'intime, bien sûr, elle repose sur un attachement, elle est donc liée par... elle repose sur l'affection, et elle a aussi pour particularité d'être dans le bénéfice mutuel, de profiter aux deux, et de reposer également sur l'échange de services, comme on le sait. Donc, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences, et ces différences relèvent en particulier du champ d'extension de l'amitié. Les propriétés de l'amitié antique ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et elle va beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, et c'est peut-être dans ce décalage qu'il faut chercher la réalité des différences. Et pourtant, dès qu'il est question d'amitié dans l'Antiquité, nous avons des exemples admirables, Achille et Patrocle. Tu as désobéi à mes ordres? Non, monseigneur. C'était une erreur. Je vais ordonner aux Myrmidons de rester à l'écart. Qui les a menés au combat? Je n'ai rien fait, monseigneur. Nous avons cru vous suivre. Où est Patrocle? Patrocle! Nous pensions que c'était vous, monseigneur. Portait votre armure, votre bouclier, vos jambières, votre casque. Il se déplaçait même comme vous. Où est-il? Où est-il? Il est mort. Hector lui a tranché la gorge. Intense émotion dans le film 3 de Wolfgang Petersen en 2004, Achille qui apprend la mort de Patrocle. François Prost, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche en philosophie et littérature latine à Sorbonne Université. C'est vrai que là, on a un exemple chez Homère, dans l'Iliade, de l'amitié ultime. On peut dire que, mais comme souvent chez Homère, c'est quelque chose qui est plus symbolique qu'autre chose. En tout cas, ce n'est pas cette amitié-là qui unit les individus au quotidien. Certainement pas, non. L'amitié d'Achille et Patrocle est d'ailleurs un sujet de débat passionné sur sa nature exacte, et en particulier sur la question de savoir si elle comportait ou non une dimension sexuelle. point qui n'est absolument pas mentionné dans Homère, hein, et parce qu'au fond, il n'est pas pertinent. Dans la perspective strictement homérique, la relation de Patrocle à Achille, ou d'Achille à Patrocle, hein, c'est la relation pour l'être aimé. Oui, c'est ça. Ici, celui... nous avons quelque chose en plus qu'une simple amitié qui unit absolument deux individus. C'est celui, et c'est tout le sens de la tragédie de l'Iliade, sans lequel la vie perd son sens. Arnaud Suspens, c'est vrai que c'est un modèle, hein, lu tant par les Grecs que par les Romains, mais cette amitié-là n'est pas l'amitié du quotidien des Romains. Non, c'est sûr, c'est une amitié mythique, une amitié qui se passe entre personnes de très haut rang aussi, donc il y a une dimension poétique et politique aussi en même temps. Mais c'est aussi une amitié qui informe les comportements et qui sert de référence. Donc il faut pas sous-estimer l'impact de ce texte homérique ou de ces grandes figures de l'amitié, y compris dans la vie courante, certainement, à un certain niveau tout de même. Mais je crois que, de manière générale, c'est une référence constante. Ouais, référence constante avec toute cette réflexion sur l'amitié qu'on peut retrouver hein, dans la revue Parlement, dans le hors-série Amitié politique que vous avez dirigé Arnaud Suspens. Vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'Université d'Orléans. C'est vrai que c'est tout un univers à essayer de comprendre. L'amitié dans la Rome antique nécessite une fois encore de réfléchir à la chronologie parce que dire Rome antique, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. On a quand même un temps très long, on a la République, puis l'Empire, plusieurs siècles. Il y a une évolution de l'amitié. Ah oui, il y a une évolution. Alors, de toute façon, il y a quand même des continuités du point de vue, bon, de la philosophie. François Prost le dira mieux que moi. Mais il y a une continuité de la réflexion philosophique. Il y a une continuité aussi des pratiques culturelles. Il y a des pratiques qu'on suit sur 7 siècles. La pratique du repas d'anniversaire, par exemple. Donc ça se suit très bien. Voilà. Il y a ce genre de choses. Donc des pratiques. Et il y a également, même du point de vue de l'amitié politique, des continuités parce que les aristocrates de la République ont des amis sur lesquels ils s'appuient de manière extrêmement concrète pour le conseil, la délégation, pour tout un ensemble de tâches. Et donc, on retrouve ça à la période impériale, bien sûr. On le suit très bien dans les sources littéraires comme dans l'épigraphie. Et puis, même au sens le plus haut de l'amitié politique, eh ben, le peuple romain sous la République a des amis. Il passe des contrats d'amitié, des traités d'amitié. Et le traité d'amitié, par exemple, c'est un des moyens de construction de l'Empire. Ça se voit dans la conquête de l'Italie, ça se voit dans la conquête du monde hellénistique. Et bah, vous avez des termes d'amitié qui sont utilisés pour définir ce qui est une soumission à Rome, comme par exemple en 188, lors de la paix d'Apamée, où une amitié est instituée à la suite d'une défaite entre le roi Antiochos et les Romains, à la condition que le roi Antiochos accomplisse un certain nombre de tâches, comme vous le disiez tout à l'heure, se soumette à certaines obligations. Et sous l'Empire, ça se voit toujours, il y a toujours une formula amicorum, c'est-à-dire une liste des amis du peuple romain. Mais évidemment, la grande nouveauté, c'est que désormais, il y a un prince, et que donc, il y a l'amitié du prince, et ça, c'est un élément d'évolution tout à fait fondamental. Des contrats d'amitié, des traités d'amitié, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Va falloir nous développer ça. J'adore l'idée, hein, on passe à un contrat d'amitié. François Prost, évolution dans la philosophie de l'amitié. Là encore, hein, on est obligé d'aller faire un petit tour dans la Grèce antique pour comprendre la vision que les Romains peuvent avoir de l'amitié. Absolument. Alors, pour dire les choses très simplement, je crois, il va se produire dans la dernière partie de l'époque républicaine, une sorte de choc culturel, hein, qui est l'importation de la philosophie grecque à Rome, hein, qui va entrer en contact, hein, avec des pratiques sociales, hein, qui préexistaient à ses pensées, et les grands penseurs, les plus importants, vont s'efforcer d'utiliser ces outils intellectuels grecs, hein, pour, d'une part, penser leur réalité sociale, et d'autre part, hein, éventuellement, les réformer, les perfectionner, les moraliser. Un terme qui vous plaira peut-être, c'est celui qui me semble qui est capital dans le texte le plus important de cette époque, qui est le traité de Lélius sur l'amitié de Cicéron, qui pose une loi de l'amitié, une lex amicitiae. Et alors, ensuite, le problème va être d'adapter ces constructions intellectuelles aux nouvelles conditions sociopolitiques qui sont créées par l'Empire en bouleversant quand même assez de façon sensible les relations sociales, notamment dans la haute aristocratie et ses rapports avec le reste de la population. Oui, parce qu'il faut le rappeler sans cesse, hein, les Romains s'inspirent des Grecs, oui, mais enfin, ils en font quelque chose d'autre. C'est pas simplement une pâle copie de ce qu'était le monde grec. Non, tout à fait, vous avez bien raison. Il y a une forme de continuité. S'établit à la période impériale un empire gréco-romain, pour reprendre la formule de Paul Venn, où les traditions grecques sont reprises et effectivement réinterprétées. Complété aussi, hein, dans l'Énéide, vous avez Nisus et Euryale, vous avez de nouveaux modèles, vous avez dans Valère Maxime, par exemple, un chapitre d'un livre sur l'amitié, qui est divisé en exemples romains et exemples grecs, et les deux se combinent avec peut-être une dimension plus strictement civique pour le monde romain, mais ce serait encore à voir. Moi, je vous propose un exemple grec. Platon est avec nous. Il est un bien après lequel je soupire depuis mon enfance. Car l'un poursuit une chose, l'autre une autre. Tel voudrait avoir des chevaux, tel des chiens, celui-ci de l'or, celui-là des honneurs. Pour moi, tout cela ne trouble point ma quiétude. Mais avoir un ami, voilà ma passion. Et j'aimerais mieux avoir un bon ami que la caille ou le coq, et même par Zeus que le cheval et les chiens les plus beaux du monde. Je dirais même que j'aimerais beaucoup mieux avoir un ami que l'or de Darius, et même que Darius en personne, tant je suis entêté d'amitié. Ainsi, en vous voyant, toi, Elysis, je suis étonné, et je vous envie parce que, tout jeune que vous êtes, vous pouvez jouir si tôt et si facilement de ce bonheur, et que toi, tu as gagné si vite et si complètement l'amitié de cet enfant, et lui la tienne. Mais moi, je suis si loin d'un tel bonheur que je ne sais même pas comment un homme devient l'ami d'un autre. Lysis de Platon, lu par Daniel Koenigsberg dans le cours de l'histoire. Merci Daniel, on a envie d'être votre ami quand on vous entend lire avec Platon, ici François Proust, que nous pouvons avancer, mais là encore, quand Platon dit « rien ne vaut un ami au monde », alors qu'est-ce qu'il veut nous dire là? C'est quel ami? C'est un ami comme on l'entend nous, c'est-à-dire un bon copain? Ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui a un véritable lien social? Alors, si on s'en tient au Lysis, qui est un texte absolument magnifique, mais assez mystérieux, fondamentalement on ne sait pas, puisque c'est un texte, comme on dit, aporétique, c'est-à-dire qu'il ne débouche pas sur une conclusion explicite, et cela tient à un certain état de la pensée de Platon, et aussi à la dramaturgie qui est choisie par Platon en tant qu'écrivain, qui met en scène Socrate avec de très jeunes gens, qui l'interrogent sur leur conception de l'amitié, leur perception naïve, immédiate, pour en montrer justement la fragilité, les contradictions. On peut penser que l'aporie, l'inaboutissement de la réflexion, tient à une mauvaise perception qui est propre à la jeunesse, d'une certaine façon. Et on a des éléments pour penser que l'idée de Platon est que la véritable amitié, c'est celle qui ne recherche pas, comme ce qui vous est approprié, le terme essentiel est oikeion, ce qui vous est propre, approprié, ce qui vous ressemble, ce n'est pas le qui se ressemble, s'assemble, en quelque sorte, donc le bien est approprié au bien, le mal est approprié au mal, c'est que le bien est approprié à tout. Et le mal n'est approprié à rien. Et l'amitié sera précisément la démarche humaine qui, comme l'éros platonicien dans le banquet, va servir de médiateur à l'individu dans son imperfection pour se rapprocher de ce bien. Mais avec toute cette complexité philosophique qui, après, nous faire réfléchir à ce monde romain, parce que quand Platon dit « moi, je refuse tout de l'or, etc. Je veux un ami. Mais on pourrait dire, Arnaud Suspens, que sans ami, de toute façon, il n'existerait pas. Dans un monde romain, prenons le temps de la République, est-ce que ce serait possible de vivre socialement sans avoir d'amis ? Alors, non, à Rome, si on est seul, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin de soutien, y compris pour être même un citoyen. Il faut des appuis, il faut de l'aide, il faut des contacts. Le premier réseau, c'est certainement la famille. Il ne faut pas négliger non plus les sociabilités professionnelles ou les solidarités de ce genre. Mais au-delà de cela, l'amitié joue un rôle fondamental parce que elle permet de nouer des liens, de développer son influence dans un monde où les hiérarchies sont fortes et où on a besoin donc d'outils pour agir, et dans un monde aussi qui est assez, pas de sous-développé disons, mais où l'État par exemple ne rend pas les mêmes services, ne donne pas les mêmes prestations qu'aujourd'hui, ni l'État du reste, ni le marché privé. Vous n'avez pas par exemple de compagnie d'assurance, le secteur bancaire est limité, et donc si vous voulez fonctionner en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir besoin d'amis, et on voit par exemple très bien qu'il y a ce qu'on appelle une économie des amis, c'est un livre écrit par un collègue belge à la fin des années 90, qui développe ça et qui montre que, par exemple pour les prêts d'argent dans la haute aristocratie, le recours naturel, c'est plutôt les amis et le contact direct. Donc vous voyez que même au niveau le plus concret, le niveau de la vie courante et la vie économique, on a besoin d'amis à Rome même. Et évidemment, dans le domaine public, c'est peut-être encore plus vrai, et ce sont des choses très bien connues. On pourrait dire qu'en fait, l'amitié pallie le manque de relations qu'offriraient des institutions. Pour simplifier, on peut dire ça si vous voulez, mais disons qu'on fait autrement, on fait par l'amitié ce qu'on délègue aujourd'hui à des institutions. On considère qu'il y a une rupture à la fin du Moyen-Âge, si j'en crois les résultats justement du numéro de Parlement dont vous parliez. C'est au moment où l'État moderne s'institutionnalise que des choses qui étaient prises en charge par les sociabilités sont prises en charge désormais par des institutions plus formelles. François Prost. Oui, il faut en avoir en tête que l'amitié romaine a partie liée très essentiellement avec une structuration sociale, une structuration de la société qui est vraiment propre à Rome, qui est la relation de patronat. Alors les termes patronat et de clientèle ne sont pas à prendre dans le sens économique. Très simplement, c'est une structuration très pyramidale d'une société qui est très hiérarchisée, très inégalitaire, et qui met en relation un personnage important, qui est un grand politique, avec donc une pyramide descendante de citoyens qui lui sont rattachés par des liens personnels, qui sont des liens réciproques. Cette réciprocité est absolument essentielle. Le patron aide ses clients de diverses manières, financièrement, juridiquement. C'est pour ça que patronus, le patron, ça veut dire l'avocat à Rome. Il les aide politiquement s'ils font une carrière, socialement de diverses manières. Mais il n'est pas payé pour cela. En numéraire, il est rétribué, si je puis dire, en service en retour, c'est-à-dire que les clients soutiennent la carrière de leur patron, forment la base électorale. Et cela concerne non seulement les individus, mais pour rejoindre le point qui a été évoqué par le professeur Suspens tout à l'heure, cela s'étend même à des cités entières et des États. Les anciens gouverneurs deviennent volontiers les patrons des cités ou des États, des territoires qu'ils ont gouvernés. Et un dernier point de langue, ça explique quelque chose qui peut dérouter souvent les latinistes débutants, c'est que la clé de voûte de ce système, c'est ce que les latins appellent la gratia. Et ce terme a deux sens, enfin recouvre deux réalités en français tout à fait différentes, ce qui peut nous étonner. C'est la reconnaissance, c'est-à-dire en fait la reconnaissance que les clients doivent témoigner pour leur patron. Mais cela, le même terme signifie également l'influence, le crédit, le pouvoir de peser sur les idées ou les décisions d'autrui, parce que c'est le pouvoir que le patron a sur ses clients en retour des services qu'il leur rend. Et toute la question est de savoir, dans cette structuration qui est un système dynamique d'échange dans une structure pyramidale, comment se manifeste, si elle existe, l'amitié en tant que sentiment. Eh oui. Parce qu'il y a de ça aussi, hein. On parle de l'amitié, nous on dirait intéressé, etc. On parle de clientèle, mais il y a autre chose, il y a l'amitié en tant que sentiment. Arnaud Suspen. Oui, absolument. Alors là, c'est une des grandes difficultés que nous avons, c'est-à-dire que les solidarités sont si importantes dans l'Antiquité que il y a cette institution particulière de la clientèle qui est très formalisée et dont on a du mal parfois à voir l'exacte différence avec ce que les anciens appellent amitié. Donc le terme de client est parfois jugé un peu péjoratif et donc on va désigner comme ami quelqu'un qui est en réalité un client, c'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup plus subordonné que ne le suppose la relation d'amitié. Pour autant, il y a bien une amitié qui relèverait de l'histoire des émotions, de l'histoire des sentiments. On trouve des protestations d'amitié extrêmement touchantes et sensibles dans le Lélius lui-même de Cicéron. Il est question du manque qu'on éprouve quand l'ami n'est pas là, le desiderium, donc cette souffrance, hein, et aussi de la iucunditas, de la joie, de l'agrément qu'il y a à la société des amis. Et ça, c'est au cœur d'un texte qui est extrêmement, comme disait François Prost, extrêmement relevé, extrêmement élaboré. Quand on regarde les correspondances, par exemple, les sentiments d'amitié, l'amitié récréative, si vous voulez, la dimension plaisante de l'amitié, est extrêmement facile à constater. Entre Cicéron et Atticus, par exemple, il y a des facéties, il y a des jeux, il y a un regret du commerce le plus quotidien, et ça existe aussi. Donc la difficulté, c'est de tenir compte des deux et de prendre cette amitié philosophique, cette amitié aussi extrêmement sociale et à vocation instrumentale qu'on constate dans la société romaine, et puis cette amitié-émotion dont, je crois, il ne faut pas méconnaître la réalité dans la Rome antique, ce qui a été souvent fait un peu, je crois. Oui, ça serait bien dommage. Alors, nous avions Platon tout à l'heure, coup de chance, maintenant nous avons Cicéron. Une amitié entre hommes de bien a de si puissants avantages que je peux à peine les décrire. Quoi de plus agréable que d'avoir quelqu'un à qui l'on ose tout raconter comme à soi-même ? De quoi serait fait le charme si intense de nos succès sans un être pour s'en réjouir tout autant que nous? Quant à nos défaites, elles seraient difficiles à supporter sans cette personne pour qui elles sont encore plus pénibles à supporter que pour nous-mêmes. L'amitié contient une foule de possibilités. Dans quelque direction qu'on se tourne, elle est là, secourable, n'est exclue d'aucune situation, n'est jamais importune, jamais embarrassante. Et ce n'est pas ici de l'amitié commune ou médiocre, qui pourtant, elle aussi, a de l'agrément et de l'utilité, mais de la vraie, de la parfaite amitié. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand Daniel Königsberg, enfin plutôt Cicéron, nous parle de l'amitié, François Prost, nous avons ici un texte, texte majeur, hein, dès que l'on parle de l'amitié dans l'Antiquité, Cicéron, l'amitié que vous avez publié aux Belles Lettres. Dans cette réflexion qu'a Cicéron sur l'amitié, il y a quelque chose d'original ou bien reflète-t-il la conception de l'amitié dans la Rome antique? Je rappelle, hein, Cicéron, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, ce texte a souvent été mal lu, je crois, parce que... Bah, c'est parce qu'il n'y avait pas Daniel Königsberg. Il a souvent été pris précisément comme une manière de donner un habillage un peu élégant à quelque chose qui ne serait au fond que ces échanges de services et ces relations politiques que les Romains englobaient dans la relation d'amitié. Mais je suis profondément convaincu que le texte de Cicéron est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant que cela, comme je le disais pour commencer, parce qu'il présente un effort exceptionnel pour exploiter toutes les ressources de la pensée grecque, de la pensée philosophique grecque, pour analyser, comprendre la relation d'amitié, non pas seulement dans les nuages en soi, mais de l'amitié romaine, c'est l'amitié réelle pour eux. Et c'est un texte qui est écrit juste après l'assassinat de César, donc en pleine période de crise gravissime. C'est un texte qui vise aussi à mettre une amitié, je dirais, moralisée, philosophiquement fondée, au cœur du projet cicéronien de restauration de la République, dont il espère qu'elle pourra repartir sur de nouvelles bases, ces bases étant précisément de saines amitiés dont la fiction et l'écriture du texte lui-même, qui est un dialogue, ce n'est pas un traité abstrait, fournit l'exemple à plusieurs niveaux, puisque le texte est très rapidement dédié par Cicéron à son meilleur ami Atticus, l'ami de toute sa vie. Il rapporte le souvenir que Cicéron a eu de conversations quand il était jeune avec Sévola l'augure, qui avait été en charge de son éducation de jeune citoyen, si je puis dire. Et Sévola l'augure avait rapporté, donc c'est le fond du texte, un échange, bon ça c'est une fiction de Cicéron bien sûr, entre donc d'un côté Sévola et Fannius, deux jeunes gens, et leur beau-père Lélius, grand héros du milieu du deuxième siècle, avant Jésus-Christ, dont l'amitié avec Scipion l'Africain, le destructeur de Carthage, était devenue pratiquement légendaire à Rome. Donc il y a tout cet échelonnement d'amitiés exemplaires qui sont offertes à la réflexion des jeunes en particulier, dans une société où l'exemple, l'exemplum et l'émulation sont des facteurs absolument essentiels d'orientation de la conduite. Et puis quand il écrit, Cicéron est tout vieux, hein, il est à la fin de sa vie, il a de l'expérience sur l'amitié, mais très intéressant de se dire que lui-même fait écho à ce qui se passe longtemps auparavant. Dites-nous, Armo Suspense, texte-là de Cicéron, ce traité de l'amitié, il est drôlement important, mais premier siècle avant Jésus-Christ, je le rappelle, c'est-à-dire que la République ne va pas trop bien, il le sent. Ah ben, vous avez tout à fait raison. Et s'il parle de l'amitié, ce n'est pas un hasard, c'est aussi parce que ça concerne la vie civique et le devenir de la République. Les trois moments auxquels faisait allusion François Prost sont très importants à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand César meurt en 44, il y a un débat sur le comportement de ses amis. D'abord, une partie de ses amis l'ont assassiné, font partie du complot, et ça va se révéler au moment de l'ouverture du testament de César. Il y a des gens qui sont dans son testament comme ses amis qui ont participé au complot. Donc ça, c'est très grave. Et puis, il y a des amis de César qui se refusent à cautionner l'assassinat. Et donc, il y a un débat sur ce qu'on doit à son ami, doit-on lui être fidèle, même quand il est dangereux pour la République. Il est clair que Cicéron aimait bien César. Il y avait une affinité de tempérament et de culture aussi, mais il était horrifié par son projet politique. D'autres, au contraire, étaient prêts à soutenir son projet politique. Et c'est vrai des autres moments dont a parlé François Prost tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en 88, quand c'est le dialogue entre Sévola et le jeune Cicéron, on est au moment où il y a la guerre entre Marius et Sylla, et vous avez un consul et un tribun qui étaient de très proches amis, qui se déchirent et qui vont mourir tous les deux. Donc c'est très grave. Et à l'époque de Lélius, c'est-à-dire au premier niveau, quand on remonte encore dans le temps, eh bien, on est juste après l'épisode de Tibérius Gracchus, qui a été aussi un moment de guerre civile, avec aussi un débat sur l'amitié, puisque c'est là que Blossius de Cum aurait dit à la commission où se trouvait Lélius que si Tibérius Gracchus lui avait demandé d'incendier le Capitole, il l'aurait fait, parce que c'était son ami. Voilà. Il ne l'aurait jamais demandé ça, si vous voulez, mais s'il lui avait demandé, il l'aurait fait. Alors, c'est théorique, mais enfin, vous voyez que l'importance de l'enjeu de l'amitié pour le devenir même de la République, hein, c'est lié. Les crises de l'amitié sont des crises de la cité. François Prost. Oui, je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire le professeur Suspens, une remarque d'ordre littéraire et philosophique. Il y a deux passages qui d'ailleurs se suivent, qui sont absolument capitaux dans le texte et qui concernent l'un Scipion et l'autre Tiberius Gracchus, ce sont en fait les repoussoirs de la réflexion de Cicéron. Dans le premier passage, Lélius rapporte des propos de Scipion, donc ça n'est pas sa conception à lui, Lélius, qui est le porte-parole de Cicéron, et Scipion a une approche finalement plutôt pessimiste, presque tragique, de l'amitié, en disant qu'il y a tant d'accidents possibles, les destins, les fatas peuvent être contraires, qu'il est pratiquement impossible de maintenir une véritable amitié toute sa vie, sauf être chéri des dieux, c'est-à-dire avoir la Félicitas, être Félix. Or, Félix, c'était le surnom que s'était arrogé celui-là, le tyran, et ce que prétendait avoir également César, qui n'en a pas vraiment bénéficié. L'autre cas, c'est l'exemple tout à fait topique, du démagogue du point de vue conservateur de Cicéron, en tout cas le représentant du parti populaire Tiberius Gracchus, qui avait pour maître de philosophie Blossius de Cum, c'est un passage très célèbre, où, interrogé précisément dans une commission d'enquête par Lélius, Blossius déclare que si Tiberius Gracchus lui avait demandé de mettre le feu au Capitole, il l'aurait fait. D'abord, il ne me l'aurait jamais demandé, et s'il l'avait demandé, je l'aurais fait. Et donc, c'est contre ces deux extrêmes, en quelque sorte, que se construit la réflexion de Cicéron, qui consiste, pour dire les choses très simplement, enfin je crois aussi simplement que possible, donc à moraliser l'amitié en lui imposant une loi, comme je le disais tout à l'heure. Le terme est deux fois dans le texte, lex amicitiae. Et cela... c'est une excellente idée parce que la loi, c'est quelque chose qui a valeur universelle, sinon elle n'est pas une loi, mais elle ne fonctionne que si elle s'applique à la contingence, aux choses qui changent. Donc, il y a une possibilité d'articulation, de souplesse. Et la réserve, c'est qu'on peut tout faire pour ses amis, sauf ce qui est contraire au bien moral. C'est toute la question. Faut-il tout faire, faire ce que vous demande votre ami? Allez, mets ça là. Judas, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Une chose que peut-être tu ignores. L'empereur a les yeux fixés sur nous. En ce moment, il ne pense qu'à l'Orient. C'est là qu'est ma chance. Je dois la saisir. C'est la tienne aussi. Si je peux ramener l'ordre en Judée, j'accéderai aux plus hautes fonctions et tu t'élèveras avec moi, je te le promets. Sais-tu où cela nous mènera? À Rome. Oui, peut-être même aux côtés de César en personne, je le sais, j'en suis sûr. Rien ne s'y oppose et c'est le moment, Judas, crois-moi, c'est l'instant ou jamais. L'empereur a les yeux fixés sur nous, tout ce qu'il attend de moi, c'est que je le serve. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu m'aides. Aide-moi à le servir. Tu en parles comme s'il était Dieu. Il est Dieu, le seul vrai Dieu. Il est le pouvoir, le seul vrai pouvoir sur Terre. Aide-moi, Judas. Je ferai n'importe quoi pour toi, mais cela... N'importe quoi, sauf trahir mes propres frères. Judas Ben-Hur qui discute avec son ami d'enfance Messala dans le film de William Wyler en 1959. Ben-Hur, évidemment. Arnaud, suspens. Alors là, c'est ça, hein, il peut pas tout faire. On est dans un autre monde. On parlait beaucoup de la République romaine avec Cicéron. Est-ce qu'il y a des choses qui changent avec l'Empire? Parce que désormais, il y a un empereur, l'ami ultime. Voilà, oui, il y a l'empereur et la question de l'amitié de l'empereur est une question qui se pose avec une acuité nouvelle. Bon, les aristocrates avaient déjà des amis, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec l'empereur, l'horreur. On a quelqu'un qui est un peu à la fois à l'intérieur du jeu social et à l'extérieur, ou plutôt au-dessus. Et donc, c'est difficile de voir comment se comporter avec lui. Alors, est-ce que l'empereur est un ami ordinaire? Non, il ne peut pas être un ami ordinaire. En même temps, normalement, pendant assez longtemps, ça reste un aristocrate au milieu de ses pairs, avec peut-être plus d'autorité, mais enfin, il ne veut pas être un tyran, donc il est obligé de jouer ce jeu social. Et parfois, il joue à l'aristocrate, il joue à l'amitié de l'aristocrate, comme sous la République. Mais les phénomènes de brouillage se manifestent en permanence et ça ne marche pas très bien. Par exemple, on voit le prince se fâcher contre un ami à lui et du coup avoir une attitude qui est assez classique sous la République. Il lui interdit l'accès à ses espaces privés, il ne veut pas le recevoir. Et du coup, cet ami, Cornelius Gallus, est attaqué, on lui fait des procès et puis sent que ça va très mal se passer, il finit par se suicider. Et là, selon Suétone, c'est Auguste dont il est question, et Auguste aurait dit, mais c'est terrible, je ne peux même pas, c'est à moi seul qu'il est impossible de se fâcher contre un ami, parce que les conséquences sont trop graves. Bon, on voit très bien ces phénomènes de perturbation qui existent à cause de la nouvelle dimension de la figure impériale. De même, quand le prince va chez un ami manger, c'est pas un repas complètement informel. Pourtant, il y va. Quand le prince siège au conseil d'un père de famille de ses amis, c'est plus pareil, parce que les gens ne peuvent plus délibérer. Qui va prendre le risque de ne pas être d'accord avec le prince, sur quelque sujet que ce soit? Donc on voit très bien que la figure du prince est compliquée et perturbe le jeu. Et inversement, les gens qui sont ses amis ne sont plus tout à fait des gens ordinaires non plus. Et on va voir leurs fonctions se développer, on va les voir prendre une place de plus en plus importante. Ça se voit déjà sous César d'ailleurs, on voit des chevaliers, des gens qui ne sont pas dans l'haute aristocratie, être très importants, participer à la rédaction de Senatus Consultes, ce qui est incroyable, avoir des grands aristocrates qui font antichambre chez eux, et donc on les voit prendre une puissance très grande. Et sous l'Empire, ça va être de plus en plus important, de plus en plus manifeste. Le rôle d'Agrippa, par exemple, auprès d'Auguste, c'est aussi un rôle d'ami, et le cas le plus important, ce sera le cas de Séjan auprès de Tibère. Ce sera, même ça finira très mal, mais ce sera une forme pathologique de l'amitié. Séjan est un chevalier qui va devenir consul directement, dont on pense à un moment qu'il va peut-être remplacer l'empereur, lui succéder. Et la base de son pouvoir, c'est l'amitié du prince, au point qu'il y a un hôtel à l'amitié. Donc, amitié considérée comme une déesse qui est installée, c'est le site qui nous le dit, qui aurait été voté par le Sénat, accepté par le prince. On ne sait pas s'il a été construit, mais enfin, le projet est allé jusqu'à un certain degré d'achèvement. Et de part et d'autre, il y aurait une statue de Tibère et une de Séjan. Donc, on voit comment ici, un ami du prince peut devenir quasiment une figure de substitution. Et de manière générale, tous les amis du prince, au bout d'un certain temps, sont des figures institutionnelles. Il y a des listes, il y a un statut, et on les voit figurer dans un conseil impérial qui est lui-même un organe de décision de l'Empire. Vous nous avez dit tout à l'heure que entre la notion de client-clientèle et d'amis, bon, il y avait certains flous, et on pourrait dire la même chose avec les mots de courtisan et de cour ici, parce que il y a quelque chose qui est assez proche dans tout ce que vous écrivez, décrivez, Arnaud Suspen. Ah oui, c'est intéressant. Alors la mise en place de la cour impériale, on la voit se produire pendant le premier siècle au terme d'une institutionnalisation assez progressive des pratiques qui sont celles de la République, des aristocrates républicains au départ. Mais il est clair qu'au bout d'un certain temps, il y a une cour impériale à partir de Dioclétien. En tout cas, c'est terminé, c'est évident. Il y a des procédures extrêmement précises, et c'est-à-dire à la fin du IIIe siècle. On voit ces phénomènes se produire. En ce qui concerne la clientèle et l'amitié, il y a quand même une forme de distinction qu'on peut faire. C'est difficile, il y a des brouillages, comme je disais tout à l'heure, mais il y a une distinction qu'on peut faire, c'est-à-dire que la clientèle, c'est un type de relation qui est bien décrit et qui a un sens technique dans l'Antiquité romaine. Donc, parfois, il y a des phénomènes d'euphémisme, de choses comme ça, mais enfin, la clientèle, aussi bien dans les relations internationales que dans les relations interpersonnelles, c'est un statut particulier avec des obligations bien fixes. Avec ce moment très particulier, celui de la campagne électorale. Bien qu'il faille compter s'appuyer sur des amitiés déjà fondées, la campagne électorale est cependant l'occasion d'en contracter d'autres en grand nombre et d'une grande utilité. Parmi tant de désagréments, la campagne a toutefois cet avantage. Tu peux, sans compromettre ton honneur, chose impossible dans les autres circonstances de la vie, lier amitié avec toutes les personnes de ton choix. Des personnes telles que, si En tout autre contexte, tu les autorisais à te fréquenter, ta conduite paraîtrait aberrante. Alors que dans le cadre d'une campagne, si tu ne t'appliquais pas à agir ainsi envers beaucoup de gens, ta campagne ne paraîtrait pas en être une. Dans la famille Cicéron, je demande le frère, l'auteur de ce petit manuel de la campagne électorale. C'est un délice à lire ce petit manuel-là. Dites donc, il y a beaucoup de cynisme quand on entend ça. Alors, si vous permettez d'être peut-être un peu paradoxal, moi, ce qui me frappe, ce qui m'a frappé de plus en plus à mesure que j'ai travaillé sur ce texte, c'est au contraire sa très haute tenue morale. Ah, ben c'est paradoxal, oui. Oui, en effet. Par rapport aux pratiques du temps, en tout cas, parce que c'est un texte donc, qui donne toutes sortes de conseils. Donc, je laisse de côté la question de son authenticité ou non, qui n'est pas pertinente pour nous. Elle décrit une réalité qui est celle de la fin de la République, de toute façon. Il décrit ce texte. Et il donne donc tout un ensemble de conseils au candidat qui est Cicéron, étant candidat pour le consulat, pour réussir sa campagne. Cicéron étant, dans le cas particulier, de n'être pas membre d'une famille sénatoriale, c'est-à-dire qu'il était, il n'avait pas l'appui d'une clientèle qui lui était déjà en quelque sorte acquise par héritage, et c'est un self-made man, si on veut. Donc, il y a effectivement beaucoup de trucs, de conseils, alors qu'on trouve couramment cynique dans la manière de capter les votes, en fait. Bon, cela dit, par rapport à ce qui se fait un peu partout, ça n'est pas si méchant que cela. Hein. Mais de toute manière, plus sérieusement, ce qui m'a frappé dans ce texte, hein, c'est tout l'effort qui est fait pour distinguer le candidat, enfin apprendre au candidat Cicéron à se distinguer des autres, les autres ne faisant que jouer le jeu rituel, hein, en particulier de la clientèle, de la relation de patronat, dans tous ses artifices, hein, et sans y mettre aucune sincérité, aucun engagement propre. Alors que ce que dit l'auteur du texte, hein, c'est que si tu veux réussir, il faut que tu aies un rapport sincère avec tes électeurs et que tu noues avec eux des rapports qui soient de vrais rapports interpersonnels, si nombreux soient-ils. Et dans soulignait le texte qui a été lu tout à l'heure, la campagne permet d'inclure un grand nombre de personnes, puisqu'il faut évidemment avoir un grand nombre d'électeurs pour être élu. Quitte à élargir un petit peu le cercle de ses amis Arnaud Suspens. Oui, vous parliez de cynisme, mais là je crois pas, parce que, et en tout cas pas d'hypocrisie, parce que les aspects utilitaires de l'amitié, ils sont normaux dans l'Antiquité, et si vous voulez avoir de la fidèle, si vous voulez qu'on croie à votre loyauté, qu'on respecte la foi qui est la vôtre, eh bien il faut être crédible et il faut des services concrets. Donc il n'y a pas besoin d'un dévoilement bourdieusien, si vous voulez, c'est tout à fait officiel, c'est normal, et celui qui ne fait pas ça n'est pas un vrai ami. La pierre de touche, c'est ce qu'il y a derrière, comme le disait François Prost. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas d'hypocrisie, et un candidat qui ne ferait pas d'engagement ne serait pas crédible. Enfin, il n'est pas candidat par nature. L'amitié antique est utilitaire par principe aussi. Après, il faut voir à quelle fin sont mis ces services. Mais il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, puis je pense que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices se disent « ça ressemble beaucoup à aujourd'hui, François Prost ». Juste un mot pour préciser que le point d'articulation, pour compléter ce que vient de dire Arnaud Suspens, c'est que le candidat doit, avant son élection, pour se faire élire, précisément fournir la preuve à ses électeurs potentiels qu'il est un homme fiable, qu'il est quelqu'un sur qui ils vont pouvoir compter, entre autres parce qu'il les connaît ou les connaîtra personnellement, et parce que dès sa campagne, il s'engage vis-à-vis d'eux à avoir au fond une certaine disposition éthique, à la fois vis-à-vis des individus et vis-à-vis de l'État dans la conduite de ses affaires. Et il y a donc cette dimension éthique qui doit être non seulement présente, mais manifestée à travers toutes sortes de rituels et de pratiques. Là, nous sommes dans le moment très particulier de la campagne électorale. Tout à l'heure, Arnaud Suspens, vous nous avez parlé de ces traités, de ces contrats d'amitié. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Là, je faisais plutôt allusion aux traités d'amitié en matière diplomatique. Voilà, qui existe toujours encore aujourd'hui. Alors, non, mais c'est vrai que l'amitié en elle-même est quelque chose de public, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose qui peut se voir quand on se balade dans les rues de Rome. Ah, tout à fait. Il y a un spectacle d'amitié. D'abord, je pense que l'amitié, elle est beaucoup plus présente dans l'imaginaire et puis même dans la culture visuelle et artistique des Romains qu'elle ne l'est aujourd'hui. On parlait d'Achille et de Patrocle, mais il y en a d'autres. Il y a Oreste et Pylade, il y a Damon et Phintias. Et tous ces personnages étaient l'objet de réactivation par la littérature latine. Vous avez un Pacuvius qui fait par exemple un Oreste. Et donc, c'était dans la culture commune. Et puis, vous aviez de la visibilité aussi dans les statues, les représentations, les fresques. On n'en a gardé qu'une poussière. Mais enfin, tout ça était là, était important. Et donc, il y avait aussi des espaces. Vous avez des espaces de réception dans les maisons. Vous aviez des exèdres, des hémicycles où on pouvait recevoir ses amis. Bref, il y avait toute une géographie de l'amitié extrêmement, extrêmement importante et une visibilité de l'amitié très grande dans l'Antiquité. Et à l'intérieur de ce cadre favorable, effectivement, il y avait une mise en scène des relations sociales. Il y avait une mise en scène dans les espaces publics où on se déplaçait avec ses amis. On mettait en valeur les relations qu'on avait, leur nombre. Hein, il fallait être très entouré pour être important. Alors ça pouvait être des clients, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça pouvait être aussi des amis, c'est-à-dire des gens d'un niveau plus proche du vôtre. Et à la qualité de vos amis, on pouvait mesurer votre gratia dont on parlait tout à l'heure, votre influence, votre surface sociale, votre autorité aussi, votre prestige. Et donc, il y avait un intérêt, bien sûr, et un sens à mettre en scène tout cela. Donc, il y a un véritable spectacle de l'amitié. Une amitié de retrait, une amitié intime et clandestine, ça peut exister dans certains cas, mais c'est certainement pas le réflexe normal pour la façon dont il faut vivre son amitié dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'au moment d'aller au bain, c'est pas du tout la même chose si on y va seul avec sa serviette sur l'épaule ou si on est avec toute une bande, quoi. Voilà, je crois pas qu'on soit souvent seul à Rome, en réalité. Ouais, c'est ça, hein, il faut toujours des amis. C'est cette amitié-là que, en travaillant sur le sujet, l'on croise à travers les textes. Alors, on a cité Platon, on a cité Cicéron, le frère de Cicéron ou celui qui se fait passer pour le frère de Cicéron, peu importe. C'est très difficile de saisir les relations entre les individus. Qu'est-ce que l'historien dispose comme source autre que la littérature et la philosophie? En particulier, il y a l'épigraphie, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des inscriptions. Donc, l'épigraphie, c'est la science des inscriptions. On a énormément de textes, surtout à partir de la fin de la République, pour toute la période impériale. Et dans ces textes, il est beaucoup question d'amitié. Les amis sont très présents, en particulier dans les inscriptions funéraires, puisque les amis interviennent beaucoup dans les derniers moments, au moment du testament, au moment du souvenir de l'ami défunt. Et donc, vous avez des inscriptions qui nous parlent d'amitié tant qu'il y a des inscriptions. Donc là, on a vraiment quelque chose de très bien. Alors évidemment, il y a un côté lyrisme d'apparat dans les inscriptions qui est peut-être un peu trompeur. C'est difficile de savoir si on atteint le secret des cœurs. Hein. Il y a des formules, bien sûr, mais tout de même, on a une présence en tout cas épigraphique de l'amitié qui est incontestable. Et puis on a même des documents assez intéressants. On a même des amitiés de femmes, par exemple. On a des femmes qui s'invitent, livrées par une tablette de vigne d'Olanda trouvée près du mur d'Adrien, à un goûter d'anniversaire, pas un goûter, un repas d'anniversaire. Donc on a deux amis, hein, voilà. Alors c'est très rare comme document, mais ça arrive aussi. Et là, c'est pas de la mise en scène, parce que c'est une épigraphie courante, une épigraphie d'invitation, c'est une tablette d'invitation. J'allais vous poser la question justement sur l'amitié féminine, parce que cette amitié que nous présentons depuis tout à l'heure est quelque chose d'extrêmement social, s'insérer dans la société, parfois pallier au manque d'organisation, notamment pour le commerce. L'amitié féminine, elle, peut-elle être sincère ici quand on voit sur une inscription le mot « ami » ? Alors, il y a l'invitation au repas d'anniversaire. Je suis pas sûr qu'il y ait inscription. Qu'il y ait amitié, pardon, dans l'inscription. Je suis peut-être sûr. Mais enfin, c'est les pratiques en tout cas. On sait par exemple que Livy avait des amis. Mais alors, Livy, c'est quelqu'un de très important. C'est la femme d'Auguste. Donc, et on considère que c'est son appui qui a favorisé la carrière de certains aristocrates qui se présentaient comme ses amis, dont un futur empereur, par exemple. Et donc, oui, il y en a. Alors, évidemment, comme la littérature, même les inscriptions sont quand même plutôt dominées par les hommes. Je crois que c'est assez difficile à voir, mais on trouve des traces. Dans les inscriptions funéraires, encore, on a des gens qui se présentent comme l'ami d'un tel, etc. Après, il y a aussi l'ambiguïté sur un certain nombre de termes, parce qu'amicus peut désigner l'ami de cœur aussi, ou la maîtresse. Et oui, c'est ça, hein, François Prost, vous avez bien insisté sur la difficulté de la traduction, ou en tout cas de saisir la signification d'un mot. Le mot ami lui-même peut avoir plusieurs sens. En fait, c'est systématiquement dans le contexte qu'il faut essayer de comprendre ce mot-là. Oui, absolument. D'ailleurs, amica, féminin, l'ami, dans la poésie, c'est la maîtresse, essentiellement. Oui, toujours la maîtresse. Avec aussi, on a évoqué ces moments particuliers, on a évoqué la campagne électorale. Il y a aussi le moment de l'armée, et là aussi des amitiés parfois trompées. Voici donc nos jeunes gens, les volontaires. Soyez les bienvenus. Je suis le déturion Brise Radius, votre grand ami. Quelle bonne idée vous avez de venir parmi nous. Et si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, nous allons vous inscrire afin que nous fassions plus amplement connaissance. What he says? Tant, peu importe, nous sommes pressés. Donne ton nom au scribe, Breton. Hail the tax, Breton, jadi. Suivant. Passez l'épaisse et sois bien à l'aise. Mais comment ça s'est écrit, ça? Inscrit seulement, allez, on va pas y passer la journée. Et enfin, deux Gaulois. Oh, Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Pour que la paella soit très bonne, il faut qu'il y ait les poissons, les cochons... Nous sommes dans l'armée, maintenant. Silence! Faites le rire! Vous êtes dans l'armée, maintenant! C'est ce que je viens de dire. En rang, et que ça saute! On va commencer l'exercice. Tu veux que je sois aimable avec lui, Astérix? Pas encore, Obélix. Silence! Ça va venir. Astérix et la surprise de César en 1985. Arnaud Suspens, alors l'amitié militaire confine à la camaraderie. On va dire que là, on a quelque chose... Ah non, vous me faites... Non, je pense qu'il y a des véritables... Oui, je pense qu'il y a des véritables amitiés. Hein. Les soldats ne sont pas les brutes qu'on pense a priori. Ils sont des gens instruits. C'est un milieu lettré, l'armée à Rome, et un milieu assez riche aussi. Et alors, pas tous, évidemment, mais enfin quand même. Et si on regarde les inscriptions, là aussi, on a beaucoup d'amitiés entre soldats. On a des soldats qui s'occupent de leur ami blessé, de leur ami mort, de la femme de leurs amis. C'est comme ça. Il y a des traces d'une amitié qui est une amitié profonde. Alors, j'ai pas trouvé de citation montrant que les soldats feraient référence à des modèles théoriques d'amitié comme le Lélus ou des choses comme ça. Mais enfin, il y a une forte amitié entre soldats et une amitié qui ressemble à l'expression classique de l'amitié entre notables, par exemple. Il y a pas de doute. François Prost. Juste un mot pour dire que cet aspect d'amitié dans la vie militaire qui était un aspect de la vie civique à Rome, est souligné plusieurs fois dans le Lélius, dans l'évocation de la relation entre Lélius et Scipion. Voilà, c'est le texte de Cicéron, ce Lélius, avec une amitié très codifiée, mais une fin d'amitié, elle aussi, très codifiée. Alors, ça c'est une question complexe, c'est la question de la brouille, comment on fait pour rompre avec un ami. Ben alors, il y a une formule célèbre qui est attribuée à Caton et qu'on retrouve dans le Lélius, qu'il vaut mieux découdre que déchirer, parce qu'il faut éviter le scandale que sont des amis qui s'affrontent, qui se haïssent. Et qui démente toute une vie d'entente au pire moment, quoi. Voilà. Alors ça c'est un scandale, c'est un crime d'impiété en fait. Hein, c'est-à-dire on ne respecte pas la forme normale des relations. C'est une relation sacrée quasiment, l'amitié. Et donc on peut pas se comporter mal. Donc comment ça se passe? Eh bien alors on s'éloigne progressivement. Il peut y avoir des demandes de justification. On a un cas célèbre dans la correspondance de Cicéron en 62. Metellus Keller, qui est un ancien ami de Cicéron, s'étonne que Cicéron se soit moqué, enfin s'indigne que Cicéron se soit moqué de lui en plein Sénat et s'en soit pris à son frère. Et alors qu'ils étaient alliés en 63 dans la conjuration de Catilina, il lui envoie une lettre qui est très sèche. Et derrière, il y a une longue justification de Cicéron qui rappelle à Keller qu'il n'a pas été non plus impeccable, voilà, dans son comportement. Et en réalité, vous voyez, vous avez ces possibilités de se justifier. Et donc, il y a une sorte de bilan, on vérifie l'état de la relation. relation et on peut revenir en grâce, et c'est le cas entre Célère, entre Métellus Célère et Cicéron, puisqu'après on les voit interagir de manière tout à fait normale. Donc ça c'est le... Et puis vous pouvez avoir aussi recours à l'intermission à la médiation d'amis communs. Ça se voit, des gens qui viennent et qui essaient d'éviter ce scandale qui est des gens qui n'ont pas lu Cicéron et qui n'ont pas respecté la loi de l'amitié et qui ont fait des choses qui ne vont pas. Et donc, on a ces médiations. Et puis, si ça ne va pas, il vaut mieux découdre que de déchirer. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le scandale brutal. Il faut s'éloigner proprement. On cesse de se fréquenter. Ça peut aller jusqu'à l'interdiction, comme on le disait tout à l'heure, des espaces privés. C'est-à-dire, on ne reçoit plus la personne. Et si ça va vraiment jusqu'au terme, ça va être une inimitié, mais là, on est déjà dans le scandale. Allez, et là, pas de scandale, ça aurait pas plu à Cicéron. Merci à tous les deux, à Arnaud Suspens, et je rappelle, cette revue Parlement que vous avez dirigée, ce hors-série consacré aux amitiés politiques, et puis merci à vous, François Prost, avec Cicéron sous le bras qu'on retrouve aux belles lettres. Voilà, ça c'est cette belle histoire de l'amitié qui nous intéresse et que l'on continue dans le cours de l'histoire. Voici l'ami Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment peut-on transmettre l'histoire sans la transformer? Depuis les années 2000, les historiens médiévistes se sont beaucoup interrogés sur les problèmes que posait leur accès aux archives. Ils en ont conclu que chaque édition d'un document ancien produisait une nouvelle source, alors que jusque-là, toute réédition était vue comme une simple remise à disposition d'un texte préexistant. Pour tenter d'expliquer, dans les limites de cette chronique, pourquoi toute transmission est aussi une transformation, je prendrai l'exemple du registre d'officialité de l'abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt, situé entre Bayeux et Saint-Lô. Ce document, de 175 pages, est d'un intérêt exceptionnel pour les médiévistes, car cette abbaye bénédictine est l'une des plus anciennes et des plus importantes de Normandie. Le registre d'officialité a été tenu par les moines pendant plus d'un siècle et demi, de 1314 à 1486. Il fournit une multitude de renseignements concernant l'économie, la société et la justice des 2000 personnes qui vivaient dans la quinzaine de villages dépendant de l'abbaye. Mais ce registre, conservé aux archives départementales de la Manche à Saint-Lô, a été détruit le 6 juin 1944, lorsque la ville a été bombardée par les Alliés. Depuis cette date, les historiens ont continué à travailler sur ce document en consultant une édition établie par Gustave Dupont en 1880. Lors de l'exposition universelle de 1878, un extrait du registre original a été présenté en fac-similé, accompagné d'un recueil de transcriptions. La comparaison récente de la version originale avec l'édition de Gustave Dupont a permis de déceler un grand nombre de transformations. Certaines sont d'ordre matériel, car le texte original a été rédigé à l'aide d'une écriture manuscrite sur parchemin et papier chiffon, alors que l'édition de Dupont résulte d'une impression industrielle sur papier acide. Mais le plus problématique, ce sont les erreurs de transcription. Une partie d'entre elles s'explique par la multitude des abréviations qu'utilisaient les auteurs médiévaux pour gagner du temps ou gagner de l'espace sur le support papier. Abréviations dont le sens n'est pas toujours correctement restitué par Dupont. L'analyse des autres transformations permet de conclure que le texte actuellement disponible combine, écrase ou sélectionne aléatoirement diverses strates de composition du document original sans qu'on puisse vraiment les repérer graphiquement. Dupont n'ayant fourni, dans son introduction, que très peu d'informations sur les normes d'édition qu'il a adoptées. Certes, on peut expliquer ces lacunes en rappelant que cet auteur, membre de la Société des antiquaires de Normandie, était un historien amateur, formé avant que les nouvelles règles universitaires aient fixé les normes du travail scientifique en histoire. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'édition ou la réédition de textes anciens aboutit toujours à les transformer, ce qui conduit souvent à en modifier le sens. Voilà pourquoi, L'opération élémentaire pour un historien que constitue la critique des sources devrait toujours intégrer une réflexion sur les choix qui ont été faits au cours du temps pour aboutir à l'édition utilisée aujourd'hui. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Émission préparée également par Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizou, à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.